quand Marthe revint, au dernier jour d'août, elle n'habita pas J, mais la maison de ses parents, qui prolongeait leur villégiature. Je voulais profiter de Marthe avant que l'abîmât sa maternité. Et cette dernière semaine d'août et ce mois de septembre furent-ils ma seule époque de vrai bonheur. J'envisageais à 16 ans un genre de vie qu'on souhaite à l'âge mûr. À la fin de septembre, je sentis bien que quitter cette maison, c'était quitter le bonheur.